بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue dans le livre Ta'zim al-Salat. Et hier on expliquait donc qu'est-ce qui est arrivé quelques jours avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a rappelé les sahabes l'importance de la salat avant de mourir. Donc le cheikh, il continue, cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafizahullah, il dit: ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا على هذا في لحظاته الأخيرة في حياته من حياته عليه الصلاة والسلام. يقول علي كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند ثابت: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Donc le cheikh, il explique que les paroles du prophète, la question de, ou l'importance de la salat, c'était pas uniquement des choses qui s'arrêtaient uniquement à ces derniers moments ou aux derniers instants de sa vie. Comme Ali radiallahu anhu l'a dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad avec une chaîne de transmission qui est authentique. Il dit que les dernières paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été as-salat, as-salat, c'est-à-dire gardez la salat et faites la salat, soyez sérieux avec la salat et craignez Allah dans ce que vos mains droites possèdent. Craignez Allah vis-à-vis de vos esclaves. بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. Donc il dit que qu'est-ce qui est encore plus fort que ça, c'est qu'est-ce qui a été rapporté par Ibn Majah dans son Sunan, avec également une chaîne de transmission authentique selon Anas. Il dit que de façon générale, le testament du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il est arrivé près de la mort et que son âme commençait à sortir, il a dit as-salat, c'est-à-dire faites la salat, continuez à faire la salat et faites attention par rapport à qu'est-ce que vos mains droites possèdent. وَجَاءَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَامَّةُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ وما ملكت أيمانكم حتى جعل النبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلج في صدره وما يفيض بها لسانه. Donc il y a une autre narration également rapportée selon Salama, l'épouse du messager du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, que c'était ça son testament général avant de mourir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Et c'est des paroles qu'il a dit, elles avaient de la difficulté à sortir à la fin de sa vie, tellement il était près de la mort. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui sur quoi il a insisté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier instant de sa vie. وهذا بلا ريب يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام وعظم عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بها. ومن يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه المنيفة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام. Il n'y a pas de doute que cela, ça nous montre et ça nous prouve la grandeur de l'importance de la salat dans l'islam et la grandeur de l'attention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'intérêt qu'il a donné justement pour la salat. Et quand on lit les hadiths, les nobles hadiths et les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie à ce sujet-là, eh bien, on comprend la valeur de la salat et son importance et son statut dans l'islam. وقد كان من شأن هذه الصلاة ومكانتها أنها خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تبارك وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السابعة. Il dit parmi les particularités de cette obligation dans l'islam, yani quand on compare avec les autres adorations et les actes d'obéissance à Allah en général, on voit qu'elle est particulière du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au septième cieux pour lui révéler cette obligation de la religion. Wa farada alayhi as-salata min fawqi sab'i samawat, et lui a ordonné la prière au-dessus des sept cieux. Wa sami'a al-amra biha وفرضها من الله تبارك وتعالى بلا واسطة. Il a entendu son ordre, Allah lui a ordonné directement, c'est-à-dire sans intermédiaire. Il dit فرضت عليه خمسين صلاة وسأل الله جل وعلا أن يخففها فخففت إلى خمس صلوات فكانت خمس صلوات بالعدد وخمسين في الثواب والأجر. Donc il dit que Allah en premier, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de faire 50 salats par jour, subhanallah. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui alléger jusqu'à ce qu'il la rabaisse ou la diminue jusqu'à 5 prières par jour. Donc elles sont 5 dans le nombre de prières qu'on doit faire, mais elles ont la valeur de 50 dans la récompense. Mais il n'a pas un nombre de ta'at, wa jami' al-fara'id, wa al-ibadat, ينزل إليه جبريل في الأرض يبين له ويوحي إليه فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظمى. Donc les autres actes d'obéissance et d'adoration et toutes les autres obligations et adorations sont des adorations qui ont été révélées par l'intermédiaire de Jibril qui descendait sur la terre pour expliquer ces adorations-là et pour les révéler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça indique l'importance donc, la grande importance de la salat dans l'islam. وَمِنْ أَسَفٍ أَنْ بَلَغَ الْحَالِ بِبَعْدِ النَّاسِ أَنْ جَعَلُوا لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ لَيْلَةَ احْتِفَالٍ يَقْرَؤُونَ فِيهَا الْقَصَائِدِ وَيُنْشِدُونَ فِيهَا الْأَرَاجِيثِ ومع إهمال للصلاة وإضاعة لها من الذي أمرهم بهذا ومن الذي دعاهم إليه. Donc le cheikh il dit c'est dommage qu'il y a des gens yani ils ont fait de la journée ou de la nuit de al-Isra ou al-Mi'raj, du voyage de nuit et de l'ascension, ils en ont fait une fête. Ils célèbrent ça chaque année et dans cette fête ils récitent des poèmes et des choses de ce genre, et ils négligent la salat, ils négligent la salat et ils la délaissent. Qui leur a ordonné de faire ça? Et c'est qui les a appelés à ça? Il dit aynahum min sha'n al-mi'raj wa ma ja'a fihi min 'ibratin 'azima wa min amrin jasim bil muhafazati 'ala hadhihi as-salat. Donc il dit où est-ce qu'on est de l'importance de cette ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il y a eu des leçons immenses pour nous et qui nous incite à préserver et à garder la salat. فترى في بعضهم تهاونا يعني تهاونا في هذه الصلاة واستهانة بها لكنه لا يفوت هذا الاحتفال أو نحوه من الاحتفالات المحدثة فأين هؤلاء من حقيقة الاتباع والاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأين هؤلاء من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه وقرة عينه برؤية أمته مجتمعة على هذه الصلاة. Donc il dit, yani, comment ces gens-là, tu les vois yani, négliger hein, la salat et ne pas lui donner de l'importance alors qu'il ne manque pas hein, cette fête hein, qui est innovée, qui est inventée, qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc comment ces gens-là yani, ont compris la réalité du suivi et de prendre le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et comme exemple hein, et où sont-ils du sourire hein, et du rire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voit sa umma réunie hein, sur la salat hein, et il se réjouit de ça. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là, puis on continue inshallah demain bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.